La peau de tigre par Horace Van Hoffel. À moins d'y avoir vécu, on ne peut s'imaginer à quel point le pays dans lequel j'ai passé mon enfance était dépourvu de curiosités naturelles. Autour d'Anvers, les plaines cultivées s'étendent à perte de vue, sans l'ombre d'un creux ou d'un renflement du sol. Et seul le drap d'un billard peut donner une idée d'une surface aussi unie, plane, jusqu'à faire douter de la rondeur de la terre. Même les sentiers, les ruisseaux, ils ignorent les courbes et les gracieux détours, filant vers l'horizon comme des parallèles tracés par un géomètre triste. Nous étions si totalement privés de sites pittoresques que certains mots comme vallon, côte, cascade, ravin ne disaient rien à notre esprit, et que le maître d'école en devait expliquer le sens lorsqu'il se rencontrait par hasard dans nos morceaux de lecture. Et comme Flore, nous ne connaissions que les arbres fruitiers, la pomme de terre, le chou et la carotte. Comme faune, le mouton et la vache, et encore la vache flamande, qui a plutôt l'air d'une montagne de crème et de beurre que d'une bête vivante. Nos manuels de géographie affirmaient bien que nous avions aussi le hérisson et le lapin sauvage. Mais je puis assurer qu'ils se vantaient. C'était une légende, comme celle du sang espagnol répandu dans nos veines depuis le passage des troupes de Philippe II, composée, comme chacun sait, de fantassins wallons, italiens et croates. Ce cadre médiocre nous obligeait à avoir beaucoup d'imagination. Nous devions faire semblant de nous égarer, d'avoir des aventures, de prendre les topinières pour des volcans, les mares pour des lacs Ontario, les vergers pour des forêts vierges, les écluses pour des cataractes et la grenouille franche pour un animal pittoresque qu'on chassait au harpon dans des conditions périlleuses et difficiles. Heureusement que les livres de la bibliothèque communale nous aidaient à supporter la médiocrité de notre sort. Le catalogue contenait des merveilles. Tout Jules Verne, Cooper, Mayne Reid et Gustave Aimard. Mais les clients étaient si nombreux qu'il fallait une patience de trappeur et des ruses d'apache pour se faire prêter les ouvrages d'un de ces illustres auteurs. Parfois, en échange d'une liste laborieusement dressée, nous ne recevions, au lieu des chasseurs de chevelure ou de la piste de guerre espérée, que les oraisons funèbres de Bossuet ou méprisons par Silvio Pellico. Que Dieu confonde. Cette mauvaise plaisanterie amusait ces messieurs de derrière les guichets. Gustave Aimard, surtout, était notre écrivain préféré. Nous l'appelions Gustave comme un vieux camarade. Et grâce à lui, le Far West n'avait plus de secret pour nous. Ah, que nous eussions voulu vivre dans ces vastes solitudes, parmi les boucaniers, les chercheurs d'or et les peaux rouges, les nobles Iroquois, les braves Comanches, les terribles Pawnees, les sinistres nez percés, les Delaware et les Sioux. Nous n'aurions pas été embarrassés pour nous tirer d'affaire, car nous avions la recette pour préparer du pemmican ou viande séchée, pour conduire une pirogue, établir un camp, construire une ajoupa, suivre une piste et désarmer la fureur des sauvages en leur parlant un langage fleuri et solennel. Que mon grand frère rouge m'écoute. L'alligator blanc est un chef intrépide. La chevelure de nos ennemis orne sa ceinture et ses mocassins. Notre langue n'est pas fourchue, et le grand esprit est témoin de la sincérité de nos paroles, etc. Mais comment gagner ces terres bénies? Jamais nos parents n'eussent voulu nous laisser partir. Il y avait bien la suprême ressource de se cacher dans un des navires du port et de ne se montrer qu'en pleine mer, mais quel navire allait vers les lieux de nos rêves? Sans compter que l'on risquait de sortir de Cannes en vue des docks de Hambourg ou de Rotterdam, plus une formidable tripotée à la clé. Non, il valait mieux prendre patience. Or, voici la morale de l'histoire. Notre patience et notre amour furent récompensés. Nous ne pouvions pas aller au Far West. Nous désespérions d'y aller jamais, quand un jour, le Far West vint jusqu'à nous. Oui, véritablement. Un matin, le bruit courut à l'école qu'un vaste campement d'Indiens Sioux s'était établi dans les jardins abandonnés de la dernière exposition universelle. Ils étaient commandés par le fameux colonel Cody en personne et accompagnés de toute une armée de cow-boys, de cow-girls, de gauchos et autres personnages fantastiques. Nous y courûmes. Quel spectacle! Sur les pelouses, les mustangs tachetés se cabraient la crinière haute, la fumée sortait en tourbillon épais du toit conique des wigwams. On entendait des cris de guerre, des coups de carabine, de grosses caisses et de tam-tam. Nous vîmes les peaux rouges. Ils étaient plus de 100. Tels qu'ils sont décrits dans les romans, peints sur les paquets de cigarettes américaines le visage badigeonné d'ocre ou de vermillon, vêtu de zarapés multicolores, chaussé de souliers brodés de perles, coiffé de plumes d'aigle ou de vautour. Et les cowgirls, intrépides amazones, un peu trop fardées, passaient au galop, les gauchos brandissaient leurs lassos ou cassaient des balles de verre à coups de pistolet. Nous étions fous. Il n'y avait presque plus moyen de nous tenir en classe. Nous ne quittions plus le jardin de l'exposition et le soir, il fallait que les gardiens nous en expulsassent à coups de botte dans le derrière pour nous rappeler à la raison. Plusieurs d'entre nous songèrent à déserter le domicile paternel pour s'engager parmi les compagnons du colonel Cody. Après tout, il n'eût pas été plus sot de se faire naturaliser peau rouge que de se faire naturaliser autre chose. Pour ma part, je ne me suis jamais tant amusé, même pendant la guerre, quand je tentais de franchir les lignes ennemies en compagnie de mon ami Fernand avec toute une armée de Bavarois à nos trousses. Mais il faut croire que les bourgeois positifs d'Anvers n'eurent pas pour les Sioux autant d'admiration que nous. La troupe fit de mauvaises affaires et dut déguerpir à la hâte. Alors nous nous abattîmes comme un vol de corbeau sur le grand abandonné. Il était semé de débris de toutes sortes, vieux souliers, bouts d'étoffe, mégots de cigares et casseroles trouées. J'eus la chance de découvrir dans l'herbe une plume d'aigle, une plume de sachem à n'en pas douter. Mais mon petit camarade Samuel Lévy fut encore plus favorisé. Il ramassa un bracelet qu'il mit fièrement à son poignet. Tout de suite, je lui proposai un troc. « Donne-moi ton bracelet et je te donne ma plume d'aigle. »« Ah non ! D'abord, où vois-tu une plume d'aigle ? C'est une plume d'oie. » Je rentrai chez moi désolé. Comment n'avais-je pas vu ce bracelet le premier ? Ah, si j'avais eu ce bracelet, combien j'aurais tenu mes frères, mes sœurs, ma famille et les enfants du voisinage. Je ne l'aurais plus quitté. Je l'aurais porté toute ma vie. Il m'eût servi de talisman. Qui sait ? Dans mes futures explorations, ce bijou fabuleux m'aurait peut-être servi de sauvegarde, de signe de reconnaissance et sauvé du poteau de torture. Je montai au grenier pour chercher s'il n'y avait point là quelque objet capable de faire fléchir la cupidité de Samuel. Rien qu'un baromètre hors d'usage, un pistolet sans chien, un livre d'images à moitié rongé par les souris, un polichinelle sans tête et une locomotive sans roue s'offraient à ma vue. Mais soudain, j'eus une inspiration de génie. Mon père m'avait abandonné une de ses vieilles couvertures de voyage, en peluche jaune rayée de noir, qui imitait, non sans effronterie, une peau de tigre. Les mythes en avaient mangé une grande partie. Le reste était usé par le temps. Telle qu'elle était, ma peau de tigre me procurait encore de belles illusions. Je m'en vêtais pour ressembler à un athlète antique, ou je me couchais dessus pour imiter le capitaine Corcoran ou quelque autre héros de la jungle. « Écoute, dis-je le lendemain à Samuel, donne-moi le bracelet et je te donne un morceau de peau de tigre. »« Menteur, tu n'as pas de peau de tigre. »« Quoi ? Une vraie peau de tigre ? De tigre royal encore ? » C'est mon oncle qui l'a tué lorsqu'il chassait dans les Indes sur un éléphant. Et je fis une description si précise et si merveilleuse de mon trésor que Samuel céda. Il me donna le bracelet et je lui passai un bout de ma couverture. Samuel flaira l'objet d'un air méfiant. Fit-il. Crois-tu que ce soit de la peau de tigre ? Il y a du coton entre les poils. Les tigres, ils ont du coton comme les moutons, ils ont de la laine. Samuel s'en alla rassuré. J'étais content. Mais hélas, ma joie fut brève. En examinant le bracelet de près, je constatai que ce n'était qu'un morceau de fer blanc, découpé dans une vulgaire boîte à sardines. C'était « La peau de tigre » par Horace von Hoffel.